ich bin Katharina und ich komme aus der Nähe von Braunschweig. Déserte, nous prenons de la datura. Nous enclenchons le rituel. Damien accélère, la voiture bondit. Un coup de frein brutal et elle disparaît dans une zone de non-droit, une zone de non-existence. Un ciel gris nous entoure et nous absorbe. Nous couvrons nos visages d'un voile de tulle pour pouvoir regarder les fantômes qui se tordent autour du véhicule. L'expérience nous a appris que les regarder les yeux nus nous rendrait fous. Nous viderait l'âme du corps, nous enverrait aussi errer dans la brume de Datura. Mais les yeux bandés d'un tissu qui pourrait glisser, ou les yeux fermés, ils pourraient glisser sous nos paupières à la faveur de l'obscurité. Nous sommes effrayés, excités, comme qu'on vient juste d'avaler un acide, ou à la fin d'une manif quand s'engage le jeu du chat et de la souris. Malgré la campagne de propagande sur les dangers du voyage par Datura, nous voulons continuer, peu importe la destination. Aïe, nous arrivons au bord de l'Arctique, au nord de la Scandinavie. Atterrissage brutal en marche arrière. Reprise rapide de l'avant, la boisse à vitesse Queen. Voici un péage d'autoroute. Non, c'est un barrage. Des flics, des infirmiers, des médecins. Nos airs à gare, nos voiles, tout va nous trahir. Incapables de dissimuler, nous allons être pris. Nous allons devoir avouer que nous avons voyagé. La colère m'envahit. Ce sont eux qui ont rendu le voyage par Datura possible. Ce sont leurs expériences, nos souffrances dans les camps d'expérimentation quand nous étions prisonniers. Le tatouage sur mon poignet. Damien me prend dans ses bras. Cette fois encore, nous nous échapperons, sûrement. Vous êtes libre de me croire ou de ne pas me croire. Mais croyez au moins ceci. Je ne plaisante pas. C'est très sérieux, très important. Vous devez comprendre que pour moi, le fait de déclarer une chose pareille est sidérant aussi. Un tas de gens prétendent se rappeler de vies antérieures. Je prétends, moi, me rappeler une autre vie présente. Je n'ai pas connaissance de déclarations semblables, mais je soupçonne que mon expérience n'est pas unique. Ce qu'il est peut-être, c'est le désir d'en parler. Donc ça, c'est l'intro de la chanson, et on va poursuivre a cappella, sans les effets, sans la bande-son. Un petit live. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous aurons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous aurons toute la mort pour nous reposer. Alors on swing, on tangue, on valse. À l'abri des malheurs et des misères du monde, dans ce manège pour fous et désespérés que nous nous efforçons de fabriquer, qui nous façonne en retour, nous les rêveurs, moitié magiciens, moitié charlatans, faiseurs d'or avec nos riens, ces simulacres qui, comme autant de vaisseaux spéciaux, sont des points de fuite, des incisions par où s'évadent nos perceptions en poèmes, en musique, en alcool, en chansons, en sexe, en drogue et en rock'n'roll. Nous les rêveurs inadaptés, luttant sans cesse contre les sitcoms, papillons de nuit fascinés par la lueur du musical utopique, virevoltant comme les boules à facettes des nightclubs qui ne dorment jamais. Et lorsqu'arrive la nuit et ses fêtes d'orage, au grondement d'orgie, on se dit que l'aube ne va pas tarder à tomber, grosse de promesses comme une guillotine sur le cou d'un poulet. Alors on brille plus fort, on scintille de plus belle, et tous deux dans la danse, on souhaite en secret qu'un soleil d'abondance illumine nos bas-fonds, apportant un peu de réconfort aux clochards que nous sommes. Mais l'ombre n'engendre que l'ombre, et les jours ne couchent que d'ogre. Les bombardements reprennent, nos cerveaux saturés s'épuisent, et les cercles concentriques de la précarité nous prennent à la gorge, faisant vibrer nos cellules comme des aborigènes dans une tempête économique. Alors, les mots se mêlent aux couleurs, et le son devient notre sang, cheval de feu liquide, bloody, bloody, fucking bloody DJ. Et dans l'ivresse qui nous console et nous rassemble, malgré notre maudite insatisfaction, on s'endort, on se drogue, et on baise en rond. Tandis que sur la table de chevet, la chandelle brûle par les deux bouts, prête à mettre le feu au drap, au lit et à tout ce qui s'y trouve à l'intérieur de notre pauvre chambre d'enfance en garde-fou. Et combien d'entre nous, combien auront la chance de se réveiller juste à temps pour mater les flammes et rebrousser la maladie qui s'étend, vilaine méduse, rongeante rongeasse qui s'insinue comme l'abîme. Et lorsque le jour se lève enfin, on s'aperçoit qu'on est aveugle et impuissant. Et que la vie, telle une partie de Monopoly, ne nous épargnera qu'à condition d'avoir un sacré capital chance, rondement bien fourni par la Providence. Mais les disques tournent, et même les meilleurs diamants finissent par s'effriter. Pourtant la fusée fonce toujours aussi vite, les années passent et la chance, c'est comme le reste. Un jour, il n'en reste plus. Alors, la première bêtise devient mortelle. Sans chance, on meurt d'un rhume, d'une rupture d'anévrisme. On glisse d'un balcon bel et bien mordu par un foutu crabe. Alors, j'espère que le vent mauvais nous emporte vers un monde meilleur, ou peut-être bien le néant. Qui sait ? Peut-être que tout recommence, ad aeternam, jusqu'à ce que l'on ait expérimenté tout ce qu'il y a à expérimenter. La joie, la douleur, le désir, l'absence, la mort, la naissance, la mort, et ainsi de suite. Du premier trou jusqu'au dernier, du dernier trou jusqu'au premier, encore, encore, encore, jusqu'à ce qu'on se souvienne du mot de passe et qu'une équipe de techniciens nous récupère avec un sourire et nous balance. Bravo, capitaine, vous venez de sortir de l'enfer. Make my shoes. Flock. Flock. Flock.